On nous interdit la clope, et demain ce sera le wifi, le portable et la chope, et peut-être l'amour aussi. Thank you. de se mouiller. Et pourtant, on est conscient, et c'est ça le plus dur. On en est sûr, il est temps maintenant de gonfler la voilure et d'éviter le mur. Arrêtez. Arrêtez le troupeau, les bergers sont des fous. Arrêtez le troupeau, ils nous conduisent au loup. Arrêtez le troupeau, les bergers sont des fous.